Ok, doudou, faut quitter moi jouer un boudon. Ça gagne ça doué qu'on boudon. Ou ça bien ça bon qu'on moune. Gacha boudon, j'ai quand ça boum. Ou ça bien ça gros, qu'on mèche gagne les têtes teuf. Ou ça bien ça bon qu'on moune n'importe côté des gars en coffre. Tu sais quand tu me suis, je kiffe. Quand t'es dessus, tu fais la diff. Monter, descendre, y'a nadir. Y'a quelque chose qui m'attire. Elle sait pas nager, mais pourquoi la fille fait l'étoile de mer? Sous quoi coucou nous, en les soldats, moi y'a les tu m'emmerdes. Ou qu'elle prend coco à la mode. Tite de n'y a pas qu'à des modes. Coco, moi toujours monté mon moi qu'elle faut perdre la tête, les mains dit doudou. Hey, coco, moi qu'à monté mon. Isaac a monté mon. Ok, doudou, faut quitter moi jouer un boudou. Ça crée des sanoues qu'on boudou. Ou ça bien ça bon qu'on moune. Quand chaque boudou, j'ai quand ça boum. 10 minutes coquet, j'en mou qu'à trembler, moi m'en pas qu'à jouer. Hein? La bête succulente, quand on a qu'à jouer, chérie, je vais tout lâcher sur ta joue. Ça m'aide si quand tu dis, je suis pas ta chou, donc je mets dedans ou tu réfléchis. Moi pas qu'à comprendre, pas qui ça ou dit pas pour le moment. Papa ou pas qu'elle savent, ça va doit dire, qui qu'a connaît maman. Pas bisez bloqué, quand on en est même, les mains rentrées, faut pas dire, moi j'ai mal ou t'es dit comment t'es ni un clé mal. Elle j'ai mis quand j'ai mis mon, une espèce de coco dans ses fesses. Elle j'ai mis quand j'ai mis mon, une espèce de coco dans ses fesses. Elle j'ai mis quand j'ai mis mon, une espèce de coco dans ses fesses. Oui, elle j'ai mis quand j'ai mis mon, une espèce de coco dans ses fesses. Hey. Doudou, coco m'a qu'à monter mon, Aïssa qu'à monter mon, elle chérie doudou, ça m'a dit. Coco m'a qu'à monter mon, oui ça qu'à monter mon. Ok, doudou, faut quitter moi jouer un boudou. Ça veut dire ça nous est qu'on boudou. Ou ça vient ça bon qu'on moune. Quand chaque boudou, j'ai quand j'ai quand ça boum. Faut quitter moi jouer un boudou. Ça veut dire ça nous est qu'on boudou. Ou ça vient ça bon qu'on moune. Quand chaque boudou, j'ai quand ça boum. M'a goûté.